deuxième temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à une préhistoire qui nous apparaît si proche et si universelle. Ce matin, notre émission d'archives est consacrée à André Leroy-Gourhan, pionnier de l'ethnologie préhistorique. Hier, nous avons abordé avec Stéphanie Thiébaud les immenses avancées de connaissances récentes sur la préhistoire et sur l'homme dit moderne. Demain, nous aborderons à travers l'exemple de Vercors, l'écrivain, et de ses animaux dénaturés, son œuvre, le motif préhistorique en littérature. Et ce matin, avec Victor Massé de l'Épinay, qui a préparé toute cette semaine avec nous et qui co-animera cette émission, eh bien, nous dresserons un portrait, celui du très grand préhistorien qu'était André Leroy-Gourhan, inventeur des sites d'Arcy-sur-Cure et de Pincevent, sur lesquels ont travaillé nos trois invités de cette émission, très riche en archives. On entendra beaucoup la voix d'André Leroy-Gourhan, qui n'est mort qu'en 1986 et qui a donné beaucoup d'interviews pendant sa durée de chercheur. Avec nous donc Claudine Carlin, elle est ingénieure de recherche et elle était dans l'équipe de Leroy-Gourhan à Arcy-sur-Cure en 1961, puis ensuite à Pincevent. Françoise Audouze, elle est directrice de recherche émérite. Elle est arrivée en 1964 à Pincevent et elle a travaillé pour le CNRS, bien évidemment. Et Philippe Soulier est avec nous. Il est arrivé à Pincevent alors qu'il était encore au lycée. Il a une formation d'historien en histoire et en archéologie et il est auteur de cette grosse biographie dont je parlais en ouverture de cette émission, André Leroy-Gourhan, une vie, paru au CNRS édition. Il est peu de joie dans le travail du fouilleur comme de suivre une ligne de sol ancien, de découvrir peu à peu sa surface, de retrouver les objets et les débris d'ossements sur leur vrai terrain. Je n'oublierai pas le jour où, après avoir enlevé un mètre de dépôt par petite couche, nous nous sommes retrouvés sur le sol magdalénien d'une salle de caverne de 6 mètres sur 4, assis sur les pierres où s'asseyaient les hommes de l'âge du renne, regardant le plafond à leur hauteur, évoquant un foyer dont les charbons traînaient encore à nos pieds. On pourrait multiplier à l'infini les exemples. À partir du moment où l'on commence à s'intéresser au sol, l'atmosphère de la fouille est transformée et l'on est constamment transporté par ce qu'on voit. On acquiert ce que nous pourrions appeler le sens de la terre. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Philippe Soulier. Bonjour. Bonjour Françoise Audouze. Bonjour. Bonjour à vous Madame Carlin. Vous êtes avec nous tous les trois pour évoquer justement ce phénomène, ce personnage très important qu'a été pour les études préhistoriques André Leroy-Gourhan. Vous reconnaissez bien évidemment sa voix, mais vous l'avez connue plus tard. C'était une voix de jeune homme ou presque en 1949, quand dans l'heure de la culture française sur la radio nationale, eh bien, il s'exprimait sur la joie de la fouille. Vous avez connu la joie avec André Leroy-Gourhan, Claudine Carlin? Ah oui, bien sûr. Oh là là. C'est surtout, alors c'était plus compliqué à Arcy-sur-Cure parce que comme c'était une grotte, tous les vestiges étaient assez contraints par les parois et donc on voyait moins bien, c'était moins évident. Mais quand on a fouillé à Pincevent, ça a été vraiment une révélation. Et le soir, après, quand on avait terminé la journée, on était tous autour de ce qu'on a appelé l'habitation numéro 1, qui est ce qui a été découvert en 1964. Et on les voyait, on vivait avec les Magdaléniens, on les voyait circuler sur ce sol. Et c'était un vrai plaisir. Et ça expliquait pourquoi, après, on a essayé de garder cette image par du moulage. Oui, et pour vous-même, c'est la même chose, Françoise Audouze? Ah oui, c'est la même chose. C'était extraordinaire. Il y avait la réunion de synthèse après la fouille, et où Leroy-Gourhan commentait ce qu'on voyait, et ça prenait vie. Et c'est-à-dire que vous voyez arriver comme des sortes de fantômes très présents les personnages qui avaient vécu au moment du Magdalénien sur ce site de Pincevent? Pour moi, plus tard. Il a fallu que ça passe par la New Archaeology aux États-Unis. C'est-à-dire la New Archaeology comme... C'est-à-dire ce mouvement initié par Binford et d'autres qui introduisait l'anthropologie dans l'archéologie et au fond qui était assez parallèle à ce que faisait Leroy-Gourhan, tout en restant vraiment séparé. Mais le plaisir de la fouille aussi. Fouiller à Pincevent était un bonheur. C'était comment ce site de Pincevent quand vous l'avez découvert vous-même, Françoise Audouze? Vous pouvez nous le décrire pour qu'on participe un tout petit peu par vos paroles à ce site-là? Au début, c'était une sablière. Ouais. Et il était tombé dans l'eau des foyers. Et donc, des bénévoles avaient averti le roi Gourand en disant « Attention, il y a un site là très important. » Et donc, le roi Gourand a débarqué avec son équipe, avec Claudine Carlin notamment, et on a commencé à fouiller, en particulier l'habitation numéro 1, qui était la plus en danger parce qu'elle était plus bas comme niveau. Et c'est comme et ça que vous avez découvert... Voilà, et moi je suis arrivée après le certificat que je venais de passer. Donc il y avait déjà eu une ouverture du chantier, et on voyait déjà des foyers. Et donc c'était fabuleux de voir des foyers magdaléniens comme des foyers de scouts, vous voyez, avec les pierres, avec le charbon à l'intérieur, noir. Et vous, Philippe Soulier, qui venait de publier cette biographie de André Leroy-Gourand, il vous a accompagné toute votre vie parce que vous étiez très très jeune quand vous avez commencé à fouiller à Pincevent. J'étais très jeune et j'avais déjà commencé à fouiller. Ça faisait déjà 2-3 ans que je fouillais, hein, mais j'avais fouillé sur des sites soit proto-historiques, soit médiévaux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'archéologie elle-même, c'est-à-dire le fait de dégager les sols. J'avais pas une perspective intellectuelle très avancée. J'étais vraiment très terre-à-terre. Vous étiez lycée, hein. Et là, la joie était effectivement forte. Mais peut-être pas la même joie que mes collègues qui étaient déjà des adultes confirmés, si je peux dire, même de jeunes femmes, mais bon, quand même. Moi, j'étais lycéen et je voyais les choses un peu différemment. Mais c'était aussi une très grande joie de fouiller à Pincevent par rapport aux autres fouilles que j'avais pu faire avant, m'a apporté beaucoup de choses dès le début. C'est la minutie du travail alliée à la finesse du sédiment. Et c'est vrai que c'est complètement différent de fouiller avec un grattoir et une truelle ou de fouiller avec une pioche et une brouette. Ah oui, et vous préférez l'un ou l'autre? J'associe les deux, ça dépend des stratégies qu'on peut avoir par rapport aux questions selon qu'on se pose. Selon le type de site sur lequel voilà. On se retrouve. Victor Vassel-Lépinet. Alors on va évoquer bien sûr aujourd'hui les méthodes de fouille d'André Leroy-Gourand, ses méthodes de travail, ses méthodes intellectuelles aussi. Mais on va aussi parler de son itinéraire et comme vous êtes trois... élèves, peut-être on peut dire, de Leroy Gourand. En tout cas, il a été pour vous une figure de maître. Peut-être qu'il faut commencer par cette spécificité, c'est que Leroy Gourand lui-même n'a pas véritablement de maître. Et on dit souvent dans ses biographies qu'il est autodidacte. Enfin, il a plusieurs maîtres dans plusieurs disciplines. Du moins, il ne vient pas en droite ligne d'une école. Oui, mais je vous vois déjà tous réagir. Philippe Soulier. Alors, premièrement, il vient en droite ligne d'une école. Deuxièmement, il est autodidacte. Oui. Il a quitté l'école à 14 ans, comme beaucoup de sa génération. Hein. Entre les deux guerres, les gens passaient pas le bac comme maintenant. Il faut rappeler à nos auditeurs que André Leroy-Gourand est mort en 1911 et qu'il est mort en 1996. Il est né en 1911 voilà. Et mort en 1986. Donc, voilà, pour avoir à peu près les deux bornes voilà. De sa vie. Donc, à 14 ans, après la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé... il a quitté l'école parce qu'il n'avait pas plus envie d'y continuer que l'école avait envie de le garder. Donc il s'est retrouvé à faire toutes sortes de petites choses, mais il avait une capacité, une curiosité telle qu'en quelques années, il a quand même suivi des cours libres à l'école d'anthropologie de Paris, qu'il a été au Langzhou pour apprendre le russe, qu'il a appris le chinois, et qu'en 1931, il a passé une licence de russe à 20 ans. Alors que rien ne l'y préparait spécialement. Oui, mais ce que voulait dire Victor Massé-Lépinet, j'interprète sa parole, oui. Mais en fait, c'est ce que je pense également oui. Quand je vous lis, donc Philippe Soulier, pour votre biographie d'André Leroy-Gourand, c'est un personnage qui n'a pas de maître dans le sens où il va piocher un peu partout, il va piocher dans l'ethnologie naissante, dans l'anthropologie naissante, il va piocher dans des disciplines linguistiques, par exemple, pour pouvoir oui. Se forger sa propre vision du monde, d'une certaine façon. Il va étudier les Esquimaux sans être jamais allé chez les Esquimaux, oui. Il va travailler ensuite au Japon après un séjour de 2 ans avant oui. la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc il va de cette façon picorer un peu partout pour pouvoir se construire son propre système de pensée. Tout à fait. Et effectivement, il n'a pas appris d'un point de vue universitaire, académique, un système de pensée. Mais il a suivi quand même très tôt les cours de Marcel Mauss, hein, qui était au ouais. Collège de France. Il a travaillé aussi sur le terrain en termes de classification avec Anatole Levitsky au Musée de l'Homme. Qui n'était pas encore le Musée de l'Homme à l'époque, qui était encore le Musée d'ethnologie du Trocadéro. Et qui oui, deviendra le Musée de l'Homme a été créé en 1937, donc au moment où il était effectivement au Japon. Mais je dis Musée de l'Homme pour faire plus rapide. Et dès le début, il avait quand même 3 maîtres hein, qui étaient Granet pour le chinois, qui étaient Marcel Mauss pour la sociologie et qui étaient Paul Rivet pour la muséographie. Et l'ethnologie aussi, puisque Paul Rivet a fait de l'ethnologie en tant que médecin militaire en Amérique du Sud. Alors c'est vrai que quand on regarde la biographie, quand on lit la biographie de Philippe Soulier, on peut être étonné de voir que un des pères de la préhistoire, hein, de ceux qui ont travaillé sur la préhistoire, commence dans un tout autre domaine. Il est plutôt dans une sorte d'ethnologie assez classique des années d'entre-deux-guerres. Et il va forger quelque chose à partir de ses visions sur le terrain. Il va inventer des choses à partir de cette ethnologie pour transformer cette ethnologie en ethnologie préhistorique, en l'occurrence François Zodouze. C'est-à-dire que depuis le début, il a une forte notion de l'évolution. Il voit les choses. C'est ce qui le différencie de Mauss, fondamentalement. Il voit une évolution de l'homme. Il recherche ça. La deuxième chose, c'est qu'il ne fait pas de coupure disciplinaire. Pour lui, il y a une science de l'homme. Et elle englobe tout selon les échelles. Et ça, c'est très important, effectivement, que de ne pas avoir de barrière, d'une certaine façon. Tout à fait. Claudine Carlin. Oui. C'est pour ça que quand ce qu'on a appelé l'ethnologie préhistorique, donc il est le premier à avoir mis en œuvre, vient justement de cet esprit ouvert où, dès le départ, il voudrait qu'on interprète le sol archéologique dans une vision d'ethnologie, enfin dans une vision d'ethnologue. Et donc, pour ça, il va se forger les outils, c'est-à-dire les méthodes de fouille dont il a besoin pour comprendre et pouvoir appliquer ses idées. Et ce qu'il ne pouvait pas faire à Arcis-sur-Cure, parce que c'était trop concentré et trop un palimpseste d'occupation, il a constamment recherché un site de plein air, alors qu'à l'époque, les hommes préhistoriques étaient en grotte. Il a recherché des sites de plein air où il pensait que les hommes, n'étant pas contraints par des parois, des murs, allaient pouvoir organiser leur espace de vie largement. Et vous donnez à lire la société d'une certaine façon. Victor Massé-Lépinay. Alors, tant qu'on est dans sa formation intellectuelle et dans le terreau dans lequel il grandit, il y a quelque chose d'assez notable dans sa biographie, c'est qu'il est né dans une famille athée, mais que c'est à 20 ans qu'il a choisi de se faire baptiser, et donc qu'il est devenu chrétien, pourrait-on dire. Comment est-ce que la vision chrétienne qu'il avait s'est articulée tout au long de sa vie avec les problématiques qu'il a traitées? On sait qu'il y a eu beaucoup de préhistoriens catholiques, mais... Et même des abbés et des prêtres. Bien sûr. Il y en a eu dans l'équipe, puisque le père Aure a travaillé longtemps avec le roi Gouran. Mais tout ça pose des questions. On pense évidemment à la création, au créationnisme, à toutes sortes de questions. Comment est-ce qu'il articulait la démarche scientifique et la foi évangélique? Alors, il l'articulait en la dissociant. C'est-à-dire que pour lui, il y avait une vie de chercheur et une vie de croyant. La vie de croyant était personnelle, la vie de chercheur était collective. Pour lui, il pouvait pas y avoir de confusion entre les deux. Le moment où il a le plus développé son activité, disons catholique entre guillemets, enfin sa posture catholique en tant qu'intellectuel, c'est après-guerre, au moment du grand mouvement du catholicisme social et au moment des guerres coloniales. Où il était enseignant d'ethnologie coloniale à Lyon à partir de 1946, c'est-à-dire qu'il est c'est un poste qui était payé par le ministère des colonies, qui avait été créé pendant la guerre, donc dans un contexte où on parlait encore de l'empire colonial sous le régime de Pétain. Donc lui, il a pris son poste en 1944, au moment où Lyon venait d'être libéré depuis une semaine, donc on était vraiment en pleine phase de reconstruction, si je peux dire. Et il a enseigné ça pendant une dizaine d'années, et c'était un contexte politique et social dans lequel on ne pouvait pas ignorer ce type de questions. Et il était catholique social, si on peut dire, de même que d'autres personnes, comme Brune de Lamarre, avec qui il a travaillé en géographie humaine. Mais il a toujours voulu différencier vraiment ce qui était sa croyance propre. Et contrairement, par exemple, à des gens comme Teilhard de Chardin, qui critiquait fortement, parce que Teilhard, lui, faisait du concordisme. Oui, François Zodouze, sur ce point. Je ne l'ai entendu qu'une fois parler religion. C'était au retour d'un congrès en Russie, où, visitant une des grandes églises orthodoxes, il avait été interrogé par une jeune communiste et en disant « qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ?» Et il lui a répondu « c'est bien compliqué de parler de religion, de parler de Dieu. » Et donc on va l'entendre parler d'autre chose, en particulier de ces civilisations qui se succèdent les unes après les autres. C'était un entretien, plutôt une conférence qu'il donnait pour l'heure de culture française juste après la libération dont parlait à l'instant Philippe Soulier. Nous étions le 24 mars 1948. Les civilisations vivent donc par relais. Et il suffit de considérer la nôtre pour saisir cette vitalité extraordinaire du complexe civilisateur. Depuis 6000 ans, nous vivons une aventure où les Égyptiens, les Hébreux, les Phéniciens, les Grecs, les Romains continuent de participer, au-delà de leurs tombeaux, aux traditions communes. Notre littérature continue de foisonner d'allusions bibliques. Notre commerce poursuit les principes de cette comptabilité qu'on retrouve dans les inscriptions des villes mortes de Mésopotamie. Nos banques et nos ministères continuent de supporter leurs frontons sur des colonnes doriques. Au cours des siècles, peuples après peuples se sont abîmés dans la mort. Mais il s'est toujours trouvé un survivant pour profiter de la catastrophe. Le seul danger réel pour un complexe civilisateur, ce serait la rencontre d'un autre complexe. Ce que les auteurs pressentaient au temps où le péril jaune était à la mode. Le cas le plus monumental d'une telle rencontre a été la découverte de l'Amérique. Avant notre arrivée, de grandes civilisations formaient un vaste complexe du Mexique au Pérou. Ce complexe, en plein essor depuis des siècles, a littéralement éclaté sous la pression inhumaine de la conquête. Et là, ce n'est pas un peuple disparu que l'ethnologue peut avoir à regretter, c'est toute une partie de la pensée et de la vie humaine qui s'est perdue sans retour. André Leroy-Gourand, donc c'était le 24 mars 1948 dans l'heure de culture française sur la radio nationale. Victor Massé de l'Épinay. Oui, vous évoquiez, Philippe Soulier, la colonisation et la pensée de la décolonisation dans les années, la fin des années 40 jusqu'aux années 60. Avec André Leroy-Gourand, on vient de l'entendre parler de l'Amérique du Sud et des civilisations disparues. Je vois que vous réagissiez beaucoup. Ce qui est frappant avec Leroy-Gourand, c'est qu'il y a une pensée très englobante. On a l'impression qu'il ne laisse rien de côté. Il emprunte partout. Mais la politique n'est pas absente de sa réflexion. L'écologie, la religion, l'esthétique. Enfin, c'est vraiment une pensée tout à fait englobante. C'est ça qui saute aux yeux quand on a écouté un peu toutes ces archives dont on a sélectionné quelques extraits. Oui, et englobante, mais pas enfermante. C'est-à-dire qu'elle est très buissonnante et qu'il va, il saute. On a l'impression qu'il saute du coq à l'âne, mais pas du tout. Je veux dire, il prend certains éléments pour aller ailleurs et pour revenir toujours à la même chose qui est pour lui, comme il le disait, l'essentiel, c'est l'homme. Voilà, hein, l'humain d'abord. Ça, c'était son credo, si je peux dire, en termes d'articulation de ses recherches. Je voudrais quand même revenir sur juste une chose, la notion d'ethnologie préhistorique chez Leroy-Gourand, très rapidement. C'est que c'est pas Leroy-Gourand qui a inventé l'ethnologie préhistorique. Ça existait déjà au 19e siècle, voilà, hein, avec la paléethnologie et autres. La différence, c'est que ceux qui parlaient d'ethnologie préhistorique avant lui étaient des préhistoriens. Lui, il a parlé d'ethnologie préhistorique en tant qu'ethnologue. Donc, il avait un point de vue qui était, si je peux dire, qui venait d'ailleurs. Donc, il a étudié les sociétés contemporaines, il a étudié les Aïnous au Japon et des sociétés. Il a réfléchi à des sociétés contemporaines pour pouvoir appliquer sa méthode. Comment il a fait? Oui, sauf pour les Aïnous qui sont vraiment un cas tout à fait à part. Parce que c'est une... Enfin bon, on pourra parler après, mais... il a commencé par travailler sur les Lapons, sur les Esquimaux, hein, dans les années 30. C'est là où il a écrit son livre sur la civilisation du Rennes. Et c'est là qu'il a introduit le terme d'ethnologie préhistorique tel que lui le conçoit. C'est-à-dire que il étudiait les populations actuelles, il recherchait dans le passé, jusqu'à la lointaine préhistoire, quelles étaient les sources de leur problématique, enfin de leur vie d'aujourd'hui. Et pour ça, il avait fait des sauts épistémologiques, si je peux dire, très importants, puisqu'il partait des Esquimaux des Lapons pour remonter jusqu'au Magdalénien, voire au Moustérien, donc les hommes du Rennes avant. Mais c'était pas une idée spécialement originale, puisque c'est celle qu'on développait dans les manuels scolaires à l'époque. Hein. J'ai retrouvé les manuels scolaires pour essayer de voir, et c'est ce qui était écrit dedans. Bon, mais lui, il a augmenté la partie documentaire de tout ce travail-là, il en a fait quelque chose de très important. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que à la fin de son travail, il a dit que c'était des propositions, mais qu'on pouvait dire vraiment autre chose. Et toujours, ça, c'est une attitude chez lui, c'est de pouvoir laisser la place à la contestation de ses propres idées. Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant, puisque vous avez travaillé l'une et l'autre avec lui, Claudine Carlin et Françoise Audouze, de se demander comment eh bien, ce qu'il découvrait sur le terrain pouvait gauchir ses idées préconçues qu'il avait quand, lorsqu'il arrivait sur un terrain de recherche ou de fouille. Est-ce que vous l'avez vu, justement, à un certain moment, trembler par rapport à ses certitudes de chercheur, parce que ce qu'il voyait sur à Pincevent, par exemple, sur ce site si célèbre de fouilles qu'il a inventé, eh bien, ne correspondait pas à la façon qu'il avait de penser auparavant. Claudine Carlin. Je le ressens pas comme ça. Quand on était sur le terrain, on avait vraiment l'impression qu'il était complètement en essayant d'interpréter ce qu'il voyait. Mmh. Françoise évoquait les visites. Depuis que j'ai travaillé avec, enfin depuis les années 61, quand j'ai travaillé avec Leroy Gourhan, je ne l'ai pas vu fouiller. Et nous fouillions pour lui, nous étions ses mains. Et donc, quand c'était dans la journée, il passait régulièrement sur le chantier de Pincevent. Il y avait des planches qui fait qu'il ne pouvait pas voir ce qu'on voyait. C'est nous qui lui expliquions ce qui se passait. Mais le soir, on enlevait toutes les planches, on nettoyait bien le sol. Et le matin, il y avait la visite du chantier dans laquelle le chef de chantier, nous en l'occurrence, Michel Julien, moi, on essayait d'interpréter ce qu'on voyait et lui regardait et commentait et s'accrochait sur ce qui existait et ce qu'il voyait pour élaborer une réflexion. Et sur quoi s'accrochait-il justement, Françoise Audouze? Sur le matériel de fouille, ce qu'on avait trouvé, ce qui était là Sur les relations. Ce qui était important, c'était les relations entre objets. C'était pas tant les objets que les relations. C'était ça qui créait l'approche ethnologique. Comme quand on travaille sur une société. Comme quand on travaille sur une société. D'autre part, non, nous l'avons pas vu tout d'un coup trembler en disant aïe aïe aïe mes hypothèses. Non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne s'intéressait pas à ce qu'il avait fait avant. Il l'oubliait quasiment. Donc il repartait de neuf. Ah oui, c'est étrange ça. Non, il disait que ce qui était passé, et d'autre part, il y a eu une période diachronique. Première partie de sa carrière, c'est diachronique, c'est l'évolution. Mmh. Deuxième partie, c'est synchronique pour ce qui est de la fouille, pour ce qui est de l'approche ethnologie préhistorique, et ça reste évolutionniste pour l'art. Ah oui, c'est-à-dire qu'il ajoute effectivement cette dimension artistique à son travail. Il faut dire qu'il part d'abord de la question de la technique. En fait, on l'a pas dit, peut-être oui. Philippe Soulier. Ce qui l'intéresse dans les sociétés, ce sont les traces techniques, c'est la technique qu'utilisent ces sociétés pour pouvoir se matérialiser dans le sol ou se matérialiser dans l'espace. Et ça, c'est la technique qui domine dans la première vision de la pensée de Leroy Gourhan, qui va donc toujours être présente, étudier les moyens techniques qu'utilise une société pour s'exprimer, en l'occurrence Philippe Soulier. Oui, et même en amont de la technique, ce sont les rapports de l'homme avec la matière et avec son environnement. La technique étant le vecteur qui permet d'y arriver. Et ça, c'est dès les années 30, avec justement donc la situation du Rennes. Et pour reprendre ce qu'a dit Françoise tout à l'heure sur la question de diachronie et synchronie, l'ethnologie pour lui, c'est quelque chose qui se fait par comparaison. C'est-à-dire que soit on compare dans le temps, soit on compare dans l'espace. Mm-hmm. Autrement, si c'est seulement une partie précise, c'est de l'ethnographie. Et ça, la distinction entre ethnologie et ethnographie, il y tenait beaucoup parce que l'un est descriptif et l'autre est interprétatif. Et il y a évidemment une vision très particulière du geste, de la parole, au moment de l'apparition justement du geste et la parole en 1965. Il s'exprime à Interactualité et il parle de l'importance de l'outil. L'outil est un caractère zoologique de l'espèce humaine. C'est une hérésie de dire ça sur le plan de l'histoire naturelle, mais lorsqu'on resitue les choses sur un plan d'évolution très général, ce que les biologistes ou les paléontologistes de ces dernières années, ces 20 dernières années, ont appelé la libération de la main ou la libération du... est en réalité, il y a toute une série de libérations et qui vont jusqu'à la libération du cerveau, qui est la dernière étape, qui est l'étape actuelle, où une partie de nos facultés, de nos organes mentaux sont artificiellement reproduits de manière à décupler, à centupler, à multiplier par 1000 les possibilités du cerveau humain. Mais ça est déjà la matière du deuxième volume. Rappelons, le geste et la parole, deux volumes, Technique et langage et la mémoire et les rythmes, par André Leroy-Gourand, aux éditions Albin Michel. Une archive d'interactualité à 13h, c'était le 12 avril 1965, donc sur France Inter. Et André Leroy-Gourand, qui est au cœur de l'émission d'aujourd'hui dans notre série sur la préhistoire, s'y exprimait à propos de la parution de son livre, maître livre, Le geste et la parole. Victor Massel-Lépinet. Oui, c'est une courte archive, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Leroy-Gourand dit que l'outil est un prolongement zoologique. C'est une hérésie. Il dit que c'est une hérésie du point de vue des sciences naturelles. Mais alors, il ne se place peut-être pas du point de vue des sciences naturelles. Ce mot et la façon dont il assume de dire des hérésies, ça montre bien la façon dont il navigue toujours entre différentes disciplines avec une recherche qui est la sienne, qui est quelque chose de personnel, qui ne s'inscrit pas. On revient au début avec cette question du maître. Évidemment, il a eu bien sûr des maîtres, mais il n'a pas un sillon tout tracé dans lequel il s'inscrit. C'est lui-même qui trace son sillon et c'est ce qui fait peut-être que sa pensée est si difficile à comprendre. Françoise Audouce disait en plus que l'histoire même de sa pensée ne l'intéresse pas tellement. C'est toujours, chacun de ses livres est une sorte, dites-vous, écrivez-vous, Philippe Soulier, une sorte d'instantané de sa pensée à un moment donné. Et tâche à nous de pouvoir reconstituer l'itinéraire intellectuel. Françoise Audouce, puis Philippe Soulier. Tout à fait. Et donc maintenant, avec le recul, on voit l'évolution de sa pensée, mais c'était difficile à distinguer, surtout que nous étions des petits étudiants de licence à l'époque. Donc on ne voyait pas bien. Philippe Soulier. Effectivement, il ne reprend pas l'histoire de sa pensée, mais il reprend l'histoire de la pensée des autres. Dire que sa pensée elle-même, il l'intègre, donc il n'en reparle pas. Effectivement, il ne fait pas allusion à ce qu'il a pu faire avant, et ça, c'est une chose qu'on a découvert nous-mêmes en tant que ses étudiants. Plus tard, c'est qu'il avait écrit et il avait fait bien d'autres choses que ce qu'on connaissait au moment où il le faisait, où on travaillait avec lui. En revanche, chaque fois qu'il fait des travaux, depuis 1936 jusqu'en 84, toutes ses publications font toujours référence aux travaux des autres, c'est-à-dire qu'il replace son travail dans un processus créatif de la recherche. Et non seulement il replace son travail dans ce processus-là, mais il termine toujours son travail en disant « Voilà, ce que j'ai fait, c'est le minimum, mais il faut continuer, il faut faire plus loin, que ce soit lui ou que ce soit d'autres. » Donc il se replace dans une dynamique de recherche, même si lui-même ne fait pas toujours allusion à ses propres travaux. Mais il le fait dans une manière générale, dans les recherches, de fait, les sciences de l'homme, en général. Ce qui est très net, Claudine Carlin, c'est quand on lit la biographie d'André Leroy-Gourand par Philippe Soulier, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un temps, peut-être, pour le chercheur plus solitaire, et puis ensuite une époque, celle que vous avez connue à partir des années 60, où c'est le travail en équipe qui, d'une certaine façon... Je pense que les deux ont toujours cohabité. C'est-à-dire que toute la partie pratique, terrain, fouille, il est présent, il nous suit, et en même temps c'est un travail d'équipe, mais la réflexion c'est lui qui va la conduire. Et pendant, en tout cas en ce qui concerne Pincevent, il a été secondé de façon extrêmement active par Michel Brésillon, et ce qui lui a permis, en faisant confiance aux équipes qui travaillaient, à l'équipe qui travaillait autour de lui, lui avait toute la réflexion derrière. Et nous, on mettait en œuvre cette réflexion. Et comment peut-on dire le rôle qu'a joué Leroy-Gourand pour la France, pour l'Europe et même pour le monde dans l'appréhension nouvelle des époques sur lesquelles il a travaillé, qu'on appelle ces époques préhistoriques, Françoise Audouce. C'est-à-dire comment le site de Pincevent, mais celui d'Arcy-sur-Cure plutôt, ou d'autres sites sur lesquels il a travaillé, ont été des laboratoires de nouveautés, d'apprentissage, de nouvelles visions, pourrait-on dire, de ce qu'était la préhistoire. Il y avait des techniques de fouilles qui n'étaient pas forcément totalement nouvelles, mais qui étaient intégrées de façon... Enfin, leur intégration, la pluridisciplinarité, c'était nouveau. Et il y avait la publication immédiatement derrière. L'habitation numéro 1 est parue très rapidement. Ça, c'est Brésillon qui l'a poussé. Bon. Mais c'est pas seulement ça. C'est que parallèlement, il y avait un investissement de Leroy-Gourand dans les comités pour organiser l'archéologie en France. La recherche. Pour organiser la recherche archéologique. Il était dans le comité du CNRS, il était dans le comité de l'archéologie à la culture. Donc, et il promouvait une nouvelle façon de faire de l'archéologie. Oui, ça c'est très important parce qu'il est de cette génération, en histoire on a eu Fernand Braudel, de ces grands inventeurs d'une certaine façon qui ne rechignent pas à prendre en main, et même qui considèrent que c'est leur rôle de prendre en main l'organisation de la recherche. Ce qu'a fait évidemment Braudel avec la sixième section, avec l'école des hautes études, la maison des sciences de l'homme, etc. C'était donc après-guerre de se dire, il faut s'investir dans le CNRS, il faut s'investir tout nouveau, donc le CNRS tout nouveau, s'investir dans ces nouvelles sections de recherche, parce que nous avons à développer une école, à former des gens, et à partir de là, on ne peut pas laisser de côté cette question administrative qu'on considérerait comme administrative aujourd'hui, pas au profit simplement d'une simple recherche théorique, Philippe Soulier. Oui. Alors, il avait effectivement une ambition qui était une ambition de promotion de la discipline et de promotion des méthodes de recherche. Cette ambition-là, il l'a développée dès l'après-guerre. Hein. Avant, effectivement, il travaillait plutôt en solitaire pour des raisons parce qu'il était jeune et qu'il n'avait pas de poste. Mais à partir du moment où il a eu il a été stagiaire au CNRS pendant la guerre, hein, il travaillait au musée Guimet, et après, quand il a été enseignant, il a arrêté d'être au CNRS, et il a toujours ressenti, si je peux dire, une dette envers le CNRS. Il fallait qu'il rende quelque chose. Et ce rendu quelque chose, c'est effectivement être dans les différentes commissions, comme a expliqué Françoise. Il fait partie de ceux qui ont été chargés de constituer ce qu'on appelle maintenant le comité national, hein, avant qu'il y ait les premières élections, c'est lui qui les a mises en place, avec évidemment des gens qui étaient nommés sur les listes, puisqu'il n'y avait pas eu d'élections avant, et que très tôt il s'est investi dans cette partie-là, et avec comme référence pour lui, c'était il fallait faire aussi bien que l'étranger, et l'étranger à l'époque, dans sa tête, c'était l'Angleterre et l'URSS. C'était les deux références qu'il avait en termes de méthode de recherche. Ce qui explique. Qui sont des écoles différentes. Mais justement, c'était intéressant aussi de prendre ces deux exemples-là comme ce qu'il fallait faire en France, et il fallait que la France soit au premier niveau international. Claudine Carlin. Oui, juste, Philippe vient d'évoquer la création du comité national. Et je voudrais juste rappeler qu'au début du comité national, l'ethnologie et la préhistoire étaient ensemble dans la même section, ce qui a joué un rôle très important dans l'évolution de ces disciplines. Et il faut dire aussi, effectivement, que cette question d'école, on peut le mesurer parce que en appelant 3 ou 4 chercheurs et chercheuses contemporains ou contemporaines qui n'ont pas connu, comme vous, le roi Gourand, qui n'ont pas forcément fouillé avec lui, eh bien, je leur disais, alors le roi Gourand, ça vous dit quoi? Ils me répondaient tous et toutes, nous sommes tous les enfants de le roi Gourand, ce qui prouve effectivement qu'il a une longue généalogie en France, en tous les cas, Victor Massel-Lépinet. Oui, je voudrais qu'on essaye de parler d'aspect un peu concret ou technique de certaines questions qui montrent un peu l'évolution de sa pensée et la façon dont il a fait avancer les disciplines auxquelles il s'est intéressé. Je ne sais pas si c'est la bonne question, le bon sujet, mais je voudrais parler par exemple d'un terme qui est celui de race qui l'a intéressé tout au long de sa carrière. Le roi Gourand, qui commence dans les années 30, qui finit donc dans les années 80, s'est intéressé tout au long de sa carrière à cette notion de race. Est-ce qu'il y a, avec ce sujet, un arrachement à certaines conceptions qui étaient celles qui présidaient encore au XIXe siècle? Il commence par exemple en faisant ce qu'on appelle du comparatisme, je crois pouvoir dire, sans me tromper. Et même de la craniométrie, oui. De la craniométrie, de comparer les crânes préhistoriques avec les crânes des populations dites primitives, encore dans la première moitié du XXe siècle, les Inuits ou les Papous ou les Aborigènes. Est-ce que sur cette question précisément, on peut voir comment... Vous pouvez nous expliquer comment il a évolué et comment est-ce qu'il a fait évoluer la discipline? Philippe Soulier. Pour lui, la notion de race, il l'a dit clairement, c'était une erreur, la pire des choses qui soit sortie du laboratoire. Il l'a dit dès la libération, il a dit que la notion de race était une notion aberrante, que c'était valable pour la sélection des races animales, par exemple les chevaux, les vaches et tout, bon, c'est logique, mais que pour l'homme, il n'y a pas... Il y a des différenciations physiologiques extérieures, que ce soit la taille, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la forme des cheveux, etc. Mais que ça ne doit pas servir à différencier des groupes, puisque tous les intermédiaires se retrouvent. Donc ça tient pas debout. Et il a fait de la craniométrie parce qu'il avait été élevé, lui, si je peux dire, l'école de Broca. Manouvrier, par Papillon, par Antony, l'école d'anthropologie de Paris, et il a appris comme ça. Donc il a commencé, quand il avait 16 ans, à mesurer des crânes. Voilà. Après, quand il a travaillé après-guerre sur les Esquimaux, à la suite de sa thèse sur la côte du Pacifique Nord, il a voulu prolonger cette thèse-là, qui était une thèse qui excluait les populations, hein, qui ne parlaient que des objets et de l'emplacement des objets, justement volontairement, parce qu'ils voulaient démontrer qu'il y avait des courants de diffusion des techniques et des objets indépendants des courants migratoires des personnes. Mmh. Donc après-guerre, il a voulu reprendre ça avec le côté anthropologique et il a mesuré des crânes esquimaux. Sur l'ensemble de tous les collections qu'il y avait au Musée de l'Homme, plus toutes sortes de références qu'il a trouvées dans la littérature. Parce qu'il voulait essayer de comprendre comment les populations esquimaux s'étaient déplacées. Et il s'est rendu compte, à la fin de son étude, qu'il y avait une inanité complète à travailler de cette manière-là, parce que les crânes en question n'étaient pas reliés à des objets, donc on ne pouvait rien en faire. Donc il a poussé beaucoup l'étude craniométrique pour arriver à la fin à dire que c'était une impasse complète. Alors vous avez tous et toutes travaillé à Pincevent, une archive de 1971, les Samedis de France Culture. Henri de Saint-Blanca interroge André Leroy-Gourhan. Nous sommes donc le 6 février 1971 et il parle évidemment de Pincevent. Il venait à Pincevent, je crois, au printemps et à l'automne. On a cru d'abord qu'il ne venait qu'en été. Et puis maintenant, il y a des arguments qui nous font demander s'il n'y a pas eu une certaine permanence de l'habitat. Et vous pouvez déjà dire qu'ils habitaient dans les sortes de tentes. La tente est l'hypothèse la plus rationnelle. Il devait y avoir une armature relativement légère et une structure grossièrement circulaire qui était circonscrite peut-être par des plaques d'écorce ou des peaux. Et naturellement un foyer à l'intérieur. Un foyer pas à l'intérieur, à l'entrée. À l'entrée. Faisant barrage au froid d'une part et d'autre part évitant certainement en été la proximité des moustiques. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les chasseurs de l'âge du renne, ceux qui ont survécu jusque vers 10 000, n'étaient pas de pauvres types traversant la toundra à toute vitesse pour essayer de se réchauffer un peu en courant après les mammouths. Ils avaient un certain confort matériel et... Enfin, on peut leur imaginer un niveau de vie relativement aisé pour des nomades chasseurs-pêcheurs. Oui, il ne faut pas se représenter ces gens comme des persécutés, des pauvres. Terrorisés par les mammouths et les lions des cavernes, non, ça ne concerne pas. J'ai une vision optimiste du paléolithique. Vous pensez qu'ils étaient heureux ? Ah oui, certainement. Certainement. Il arrivait qu'ils se fassent croquer par le grand lion de temps en temps. Mais enfin, ce sont des accidents qui arrivent et qui ne sont pas plus fréquents statistiquement, vraisemblablement, que les accidents de la circulation à l'heure actuelle. Il y avait peu de grands lions quand vous fouillez à Pincevent, Claudine Carlin en l'occurrence. Ça vous rappelle effectivement cette... Je trouve que ce qu'il dit là est intéressant parce que ça montre aussi la manière, ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la manière dont il évolue par rapport à ce qui sort petit à petit du sol. On a l'histoire de la tente et l'évolution de l'habitat est tout à fait représentative. Au début, il a imaginé, il a fait des dessins et il imaginait une tente qui s'ouvrait sur un foyer qui était exactement à l'entrée. Et on a essayé de faire des reconstitutions comme ça, d'archéologie expérimentale. Puis on s'est rendu compte qu'un foyer à l'entrée, c'était pas possible, parce qu'on pouvait plus rentrer, on pouvait plus sortir, on se brûlait, ça marchait pas du tout. Alors il a eu une autre idée, il a reculé la tente, et il a, de façon à sortir le foyer de la tente, de l'espace proprement tente, et il imaginait, mais il fallait quand même que le foyer soit abrité. Alors il a imaginé des bords de tente qui pouvaient se lever et se baisser. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en définitive, l'espace de vie était complètement extérieur, devant un abri possible. Alors il évoque des morceaux d'écorce, parce qu'on n'a aucune trace de ces abris. Oui. On se dit, ces gens-là... Il n'y a pas de trou de poteau. Les trous de poteau qui permettent justement de savoir s'il y avait des grands abris. Il n'y en a pas. C'est un habitat léger, très léger même. Et il a fallu qu'on travaille en Sibérie pour se rendre compte que une fois que les perches sont sèches, on n'a pas besoin de trous de poteau. C'est simplement le poids de la peau qui fait tenir. Et il y a juste... Il n'y a même pas de pierre, c'est même pas la peine. Et il y a juste... Alors en plus, il parle de la période, et on est très vite arrivé, grâce à l'étude des dents, et là-dessus, le roi Gouron a beaucoup travaillé, à penser que c'est quelques semaines à l'automne, au moment de la migration du troupeau sauvage. Oui, Françoise Audouze, justement, sur ces tâtonnements, qui sont les tâtonnements de la recherche, en fait. Tout à fait. C'est qu'au début, c'était Bouchu qui étudiait les bois de rennes, les bois de chute, des rennes qui perdent régulièrement leur bois, et les mâchoires des jeunes. Et à l'époque, on n'avait pas encore un référentiel suffisamment large. Et donc, il avait fait une période extrêmement longue de durée d'occupation de Pincevent. Et puis, les générations de zoologues qui sont venues après, d'archéozoologues, ont commencé à avoir des référentiels beaucoup plus précis. Et donc, du coup, maintenant, ce sont des sites d'automne, comme le site de Verberie que j'ai fouillé, et où le modèle final de Le Roi Gouron s'applique admirablement, avec un espace peut-être couvert, en tout cas de repos, qui est un mètre en arrière, un mètre cinquante en arrière du foyer, avec la zone de travail, d'activité qui est autour du foyer. Et ça, ce modèle, puisque c'est un modèle, dites-vous, il s'est affiné au fur et à mesure du temps, entre 1964 et aujourd'hui, dirons-nous. Comme vous l'expliquait Claudine, voilà, il a évolué. Philippe Soulier. Oui, là-dessus, je suis évidemment d'accord avec mes collègues. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il a comparé les modèles sur Pincevent et les modèles sur Arcis-sur-Cure, en prenant en compte que c'était des contextes géologiques, je veux dire, très différents, puisqu'à Arcis-sur-Cure, on a à la fois de la grotte profonde, on a de l'abri avec du porche effondré, avec donc des côtés qui sont maintenus géologiquement, un espace contraint, alors qu'à Pincevent, c'est un espace ouvert. Et donc, de 62 à 82, il a écrit plusieurs articles, justement, pour essayer de comprendre comment l'homme s'arrangeait de son environnement, si je peux dire, pour en faire quelque chose, indépendamment donc de ces questions directement à Pincevent. Donc, c'est vraiment toujours une question, pour lui, de comparaison de différentes situations et voir comment l'homme s'arrange avec son environnement et la matière. Victor Massé de l'Épinay. Mais alors, dans cette archive qu'on vient d'entendre, il y a les hypothèses scientifiques que vous développez maintenant, mais il y a aussi quand même la confession d'un optimisme paléontologique. Il dit « Je suis optimiste pour ces hommes-là, je les imagine heureux ». Est-ce que c'est que pour faire plaisir au journaliste béotien qui répond à cette question, ou est-ce que c'était une question qui l'intéressait de savoir si les hommes pouvaient ou non être heureux? Ça l'intéressait profondément, et même il disait non seulement ils pouvaient être heureux, mais il espérait qu'il développait l'amour et l'humour encore plus, de manière à pouvoir vivre, que c'était des vrais humains. Et ça, c'est pas seulement pour les Homo sapiens. Pour lui, c'est dès les premiers australopithèques, dès les premiers hommes, dès les premiers hominidés, qu'il y a une dimension vraiment humaine à l'humanité. Claudine Carnat et Françoise Audouze. Je pense en particulier que sur Pincevent, on a toujours travaillé et réfléchi à Pincevent avec des hommes qui étaient comme vous et moi, parfaitement ordinaires, ayant une vie normale, ayant des relations entre eux. Et je pense que c'était important pour lui, c'était justement la relation entre les individus, mais aussi, comme disait Françoise tout à l'heure, la relation entre les objets. Et quand on a commencé à travailler, par exemple, sur les remontages de silex, c'est-à-dire en essayant de retrouver, comme il partait du principe que les hommes avaient taillé et ce qu'ils avaient taillé était resté sur place, il s'est dit on doit pouvoir recoller. Donc ça, c'était assez extraordinaire, parce que c'était une sorte de préscience de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça avait commencé avant, mais avant, ça a souvent été, sauf quelques exemples rares, ça a souvent été l'exploit. On arrivait à reconstituer le bloc. Le roi Gouron a mis ça comme une technique d'analyse, au même titre que toutes les autres. La seule chose, c'est que ce qui l'intéressait, lui, c'était pas du tout la technologie lithique, c'est-à-dire la manière dont les hommes taillaient le silex, c'était que comme chaque pièce recollée portait un numéro, avait été située dans l'espace, la manière dont se répartissaient ces silex allait lui permettre de mieux comprendre comment s'organisait l'espace, comment les hommes avaient circulé en taillant, en se promenant avec les outils. Et c'était ça qui l'avait intéressé et qui faisait que pour lui, il étudiait les hommes de la préhistoire comme il étudiait les hommes d'aujourd'hui. Françoise Audouze. Mais je reviendrai sur l'optimisme. Il y a un optimisme des hommes préhistoriques, mais la fin de, enfin, il y a des chapitres du geste et la parole qui, au contraire, sont pessimistes sur l'avenir de l'humanité. Oui. Parce qu'il fait remarquer que nous avons toujours le même équipement cérébral pour faire face à des problèmes techniques, des problèmes environnementaux beaucoup plus importants que tout ce qui a été fait, ce qui a été subi auparavant. Alors, il y a aussi un pan sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, on a quelques minutes pour le dire, effectivement, c'est tout ce qui concerne l'art, l'art préhistorique, une archive de 1970 dans la grotte de Pechmerle. C'est un endroit qui, malgré tout, était très profond et très mystérieux pour eux. Et on trouve quoi comme trace là des... Eh bien, vous avez là un très beau groupe de signes de ponctuation rouge qui marque ici à Pechmerle, comme à Lascaux d'ailleurs, les débuts et les fins des ensembles peints ou gravés. Vous voyez ici une frise très curieuse de, qu'on a appelée la frise des antilopes. En réalité, il s'agit d'animaux plus ou moins imaginaires, avec de toutes petites têtes à cornes de chèvre et d'énormes corps qui s'en mêlent les uns dans les autres, de telle sorte que lorsqu'on suit les traits de l'un, on tombe progressivement dans les traits du second, puis du troisième, puis du quatrième, qui se termine par un arrière-train qui doit ressembler à celui d'un rhinocéros, avec une queue en tire-bouchon. Et alors, si vous vous retournez, vous avez au-dessus de vous, au plafond, de très curieuses stalagmites qui pendent en forme de sein avec un mamelon marqué et qui ont été, pour certaines d'entre elles, enduites de noir par l'homme préhistorique. Et vous pouvez remarquer que le style des chevaux, par exemple, avec ce corps très volumineux, les pattes antérieures très fines et brandies en avant, l'encolure extrêmement relevée et la tête minuscule sont très caractéristiques du style, du début du style 3, la première période du style 3, celle qui correspond en gros, si vous voulez, à 15 000 avant notre ère à peu près. Voilà, donc c'était André Leroy-Gourand qui expliquait pour la télévision à Paul Séban dans Un certain regard en 1970 ce qu'était cette grotte de Pechmerle dans laquelle il se promenait. Philippe Soulier, cet intérêt pour l'art. Oui. Alors, cet intérêt pour l'art est le même que celui pour la craniométrie et pour l'archéologie. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse ne sont pas tellement les choses elles-mêmes, parce qu'il n'a pas fait de relevé en art comme Breuil avait pu en faire ou Glory, sont les rapports entre les choses. La craniométrie, c'était les rapports entre les différentes mesures. L'archéologie, c'est les rapports entre les objets sur le sol. L'art pariétal, c'est les rapports entre l'emplacement des figurations et la topographie de la grotte avec les accidents topographiques. À chaque fois, ce qui l'intéresse, c'est pas tant les choses elles-mêmes que les rapports qu'ils ont entre eux, ce qui lui permet à lui d'arriver sur les questions de rapport entre l'homme et son environnement. Et c'est toujours des questions de les rapports donnent une dynamique aux choses. Et c'est la dynamique qui l'intéressait. Françoise Audouze. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, ses théories sur l'art sont battues en brèche, mais qu'il a ouvert des pistes. Il n'y a qu'à voir le volume qu'a écrit Alain Testard, peu de temps avant de mourir, où il rend hommage à Leroy Gourand, et en allant plus loin, et en s'en séparant. Mais en même temps, en disant, je construis sur les bases qu'il a données. Oui, Claudine Carlin, sur ce point. Moi, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, c'est vraiment ce qui était dynamique. Et pour rejoindre ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour lui, l'homme préhistorique, c'était vraiment, il le regardait comme un ethnologue, comme il vous aurait regardé, comme il aurait analysé votre habitation, comme il aurait, et tout, l'art c'est pareil, c'est la manière dont l'homme s'inscrit dans un devenir, dans un... Et c'est donc ce qu'on pourrait appeler la méthode, telle qu'il l'a, il vous l'a appris, cette méthode, c'est-à-dire de toujours mettre tout en relation, c'est-à-dire de tout s'intéresser aux relations des objets, des hommes, du lieu dans lequel ils vivent, etc. Je crois qu'on travaille comme ça. Oui, on travaille toujours sur les... On travaille toujours comme ça. Et cela, vous pensez que les générations qui n'ont pas connu le roi Gourand en préhistoire pratiquent de la même manière, c'est-à-dire que ce message-là est passé au-delà de ceux qui ont connu le roi Gourand? Oui. Oui. Je suis persuadée. Oui, mais maintenant, ils oublient que c'est le roi Gourand. Je veux dire, ça fait partie la méthode. C'est intégré. La façon de faire de l'archéologie. Ouais. Et j'irai plus loin, c'est même la façon de faire de la recherche d'une manière générale, puisqu'on étudie de moins en moins les choses en elles-mêmes, mais dans leur rapport aussi bien dans l'histoire de leur recherche que dans les rapports autres. En histoire, maintenant, on n'étudie pas seulement les événements. On les étudie dans un contexte qui est géographique, qui est économique, qui est climatique, etc. Et les rapports sont vraiment très importants pour comprendre les choses à tout niveau, y compris dans l'actualité. Bien, merci pour cette leçon de méthode à tous les trois, à toutes les trois, donc d'être venus à la Fabrique de l'Histoire pour nous parler d'André Leroy Gourand, donc 1911-1986, Une vie, c'est le livre que vous avez publié, Philippe Soulier, aux éditions du CNRS. C'est la première grande biographie consacrée à Leroy Gourand, qui était au cœur de cette émission. On continue demain avec vous, Victor Massel-Lépinay, en nous intéressant à quoi ? En nous intéressant toujours à ces questions de l'origine de l'homme, mais par le biais de la fiction, puisque les auteurs de fiction qui ne sont pas tenus à la rigueur scientifique ont pu délirer, enfin, ou se poser les questions d'une autre façon. Et Vercors, celui qui est surtout connu pour Le silence de la mer, a écrit non pas une fiction préhistorique, mais une fiction sur la préhistoire. On verra ça demain. Ça s'appelle Les animaux dénaturés. Cette émission, comme toutes les autres, était préparée par Céline Leclerc, Aurélie Marcet, mais aussi par Marion Dupont pour le choix des archives. Ludovic Auger était avec nous à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter, réécouter cette émission, discuter avec nous, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, franceculture.fr. Pour la discussion, c'est sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et pour nous suivre sur Twitter, l'adresse Twitter, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. À demain.